Chers amis, je vous propose de commencer cette première conférence qui va nous introduire, je l'espère, dans cette thématique du carême. Vous savez que le mercredi des cendres, nous avons l'habitude de l'appeler la petite porte. Et dimanche, avec toute l'Église, nous rentrerons dans ce que nous appelons la grande porte d'entrée dans le carême. Cette année, avec les formateurs, nous avons pris cette décision de vous faire rentrer, de vous aider à réfléchir sur les péchés capitaux. Alors cela pourrait paraître très négatif de dire pourquoi commencer un carême, ça va nous sembler culpabilisant, beaucoup vont dire voilà, hier on va encore parler de péché. Mais avant cela, je voudrais vous dire pourquoi cette porte d'entrée, cette réflexion à partir des péchés capitaux est en fait beaucoup plus dynamique et positive qu'on pourrait l'imaginer au premier abord. D'abord, je voudrais rappeler notre vocation chrétienne. Notre vocation chrétienne, c'est l'union à Dieu. Dieu nous a créés, il nous a sauvés, c'est ce que nous célébrons le jour de Pâques, et le plus beau cadeau que Dieu nous ait fait, c'est notre baptême. Et le baptême, c'est la grâce. Et la grâce, c'est cette vie de Dieu en nous. Et vous savez que Jésus aimait utiliser des images toutes simples. Alors je vais, avec beaucoup de maîtres spirituels, utiliser l'image du jardin. Notre âme, c'est comme un jardin. Et dans un jardin, il y a des fleurs, il y a des belles fleurs, il y a des plantes, mais il y a aussi des mauvaises herbes. Alors tout l'objectif de ce carême, c'est de prendre la décision de s'occuper de notre jardin, de notre âme, pour permettre la croissance de la grâce. Alors évidemment, la croissance de la grâce, c'est d'abord de faire fructifier cette vie de Dieu en nous. Mais nous le savons parce que nous en faisons l'expérience, et saint Paul l'a dit il y a bien longtemps, « Seigneur, le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas, et le mal que je ne voudrais pas faire, je le fais. » Et il se retourne vers Dieu, « Seigneur, donne-moi ta grâce. » Alors oui, c'est vrai, vous voyez, la vie de Dieu commence par cette joie, par cet émerveillement, par cette action de grâce de la vie de Dieu en nous, dans ce jardin. Et on veut, dans ce carême, rendre ce jardin beau, rendre notre âme belle, pour nous, pour ceux que nous aimons, pour Dieu. Alors, autre image que Jésus utilise et que tous les spirituels utilisent pour essayer de dire, mais c'est quoi ces mauvaises herbes? Qu'est-ce qui nous empêche de vivre avec Dieu? Qu'est-ce qui empêche de déployer la vie de la grâce? Alors Jésus utilise souvent l'image du médecin, de la maladie. Alors vous avez des grands maîtres spirituels comme Évagre le Pontique au 4e, 5e siècle, vous aurez Jean Cassien, vous aurez Grégoire le Grand, saint Thomas d'Aquin un peu plus tard, qui parleront des maladies spirituelles. Et ensuite, c'est Grégoire le Grand qui va, de ces maladies spirituelles, les appeler les péchés capitaux, les fameux sept péchés capitaux, parce qu'ils sont à la tête d'autres péchés. Et donc vous voyez, ce qui est important dans la descente de notre cœur, dans la manière de vivre dans ce jardin, comme un jardinier, il faut être capable de repérer ces maladies, de repérer les mauvaises herbes. Il faudra être capable de les tailler et de les couper. Et vous voyez qu'en rentrant dans ce carême avec cette dynamique-là, on commence à mieux comprendre que aborder la question des péchés capitaux, c'est une manière effectivement qui pourrait sembler négatif pour certains, mais en fait c'est une manière de dire nous voulons enlever ces mauvaises herbes, nous voulons être guéris de ces maladies spirituelles, de ce qui nous empêche de laisser cette vie de Dieu. Et c'est ce que Jésus a fait d'ailleurs tout au long de son ministère, de dénoncer ce qu'il y a, non pas à l'extérieur, mais dans notre cœur. Parce que souvent nous jugeons nos fautes extérieures, mais en fait nos fautes extérieures ne sont souvent que les conséquences de nos pensées. J'y reviendrai un peu plus tard, mais vous voyez, il y a un mécanisme du péché. Vous voyez, là, j'ai parlé de maladie, maintenant je parle de péché. Qu'est-ce que c'est le péché? En fait, le péché, c'est le fait de manquer sa cible. Nous sommes faits pour le bien, Dieu nous a créés pour cela. Nous sommes faits pour le bon. Si nous avons la grâce d'être baptisés, nous avons reçu cette vie de Dieu, cette puissance de vie en nous. Mais malheureusement, à certains moments, la suggestion du démon, ces mauvaises pensées rentrent dans notre cœur. Et puis après, la suggestion, si nous y consentons, ça s'appelle une discussion. Et là ensuite, eh bien malheureusement, si nous consentons à ces suggestions, à ces discussions, nous tombons dans le péché. C'est pour ça que Jésus insiste beaucoup pour dire « revenez dans votre cœur ». Parce que c'est dans le cœur, c'est du cœur humain que sort le meilleur, mais aussi malheureusement ces mauvaises pensées qui aboutissent à ce qu'on appelle des péchés, c'est-à-dire des actes. Mais d'ailleurs, vous vous souvenez, quand on se confesse, on dit « j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission ». Et donc, vous voyez l'importance à l'image du jardinier qui va chercher à repérer, à voir où se situe les mauvaises herbes, le médecin qui cherche à savoir où est le cœur, la racine de la maladie. Vous voyez que, d'une certaine manière, en parlant de ces maladies spirituelles qui sont en nous, ce n'est pas d'abord de faire une liste extérieure de ce que nous avons fait, c'est d'essayer de comprendre le mécanisme intérieur. Et lorsqu'on comprend le mécanisme intérieur, nous comprendrons peut-être un peu mieux, je l'espère, qu'au fond. Si nous manquons la cible, c'est-à-dire lorsque nous tombons, c'est que nous n'avons pas compris, parce qu'en fait, nous voulons le bien. Mais le propre de Satan, c'est de mettre de la confusion en nous. C'est de nous laisser séduire. Et donc, d'une certaine manière, nous ne voyons plus. Et c'est pour ça que commencer cette série des péchés capitaux par l'orgueil, vous le comprendrez, est importante. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'orgueil, c'est ce péché, j'y vais y revenir maintenant, qui nous aveugle. Or, le propre d'une guérison, le propre du jeunesse, c'est de voir. C'est très mystérieux. Souvent, malheureusement, nous avons l'impression que l'orgueil, c'est, ou cette posture que nous prenons, va nous défendre. Et c'est l'arme que le démon prend pour nous séduire, pour nous rassurer sur ce que nous sommes. Or, le drame de l'orgueil, c'est qu'il aveugle. Et donc, on ne voit plus. Et à un moment donné, quelquefois, presque dans notre vie, nous sommes les derniers à voir que nous sommes en train de nous éloigner de notre vie. Nous sommes en train de nous éloigner de nous-mêmes. Si nous n'avons pas la grâce des gens qui nous ramènent à une certaine forme d'humilité en nous conduisant à quelque chose de l'ordre de la vérité, évidemment, Dieu cherche à le faire et ne cessera jamais de le faire, de nous ramener à la vérité, de nous ramener à l'humilité. J'y reviendrai à la fin de cette conférence. L'humilité, c'est la grande porte. D'ailleurs, Jésus l'a dit, « Je suis doux et humble de cœur ». Saint Paul nous rappelle que Jésus est venu lui-même prenant la condition d'esclave et que l'humilité, c'est la grande porte d'entrée pour entrer dans la vie chrétienne, pour entrer dans la vie de la grâce. Et donc, si on dit que l'humilité, c'est la grande porte, c'est la porte d'entrée qui va permettre le salut, c'est-à-dire de recevoir le salut de Dieu, cela met plus en valeur, malheureusement, le drame de l'orgueil. Alors, comment se dissimule l'orgueil? Si je dis que l'orgueil s'aveugle, c'est que souvent, nous ne le voyons pas. Alors, il y a trois raisons. D'abord, l'orgueil prend des masques. C'est-à-dire, c'est celui de l'amour-propre. Celui où on se rassure sur ce qu'on est, sur ce qu'on fait. Et on ne voit pas forcément. Ça peut aller jusqu'à la fausse humilité. Mais en fait, ces masques, plus on les garde depuis longtemps, moins on se rend compte, en fait, qu'il y a en nous un masque. Nous jouons un jeu. Nous jouons un personnage. Nous jouons un personnage. Deuxième motif qui fait où l'orgueil se dissimule. Nous nous justifions. Dès que nous nous justifions, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'orgueil. C'est-à-dire que nous n'acceptons pas, en fait, ce que nous sommes. Nous nous justifions. Nous nous excusons. J'en profite pour dire, d'ailleurs, que l'expérience du pardon, qui est presque la caractéristique du chrétien, qui est au cœur de la prière chrétienne, vous voyez bien, vous vous souvenez qu'on dit « je te demande pardon », ce n'est pas « je m'excuse ». Donc si, au début de ce carême, nous avons des pardons à demander, c'est maintenant, et pas « je m'excuse ». Parce que quand « je m'excuse », c'est « je me justifie », ce n'est pas de ma faute. Or, vous voyez bien que j'ai commencé par dire « si, et si le Seigneur est venu nous sauver, c'est bien pour nous délivrer dans le plus profond de notre cœur de ce qui nous empêche d'être à Dieu, de vivre avec Dieu ». Et troisième lieu où l'orgueil se dissimule, c'est le plus subtil, c'est ce qui demande le plus de délicatesse, c'est que l'orgueil est lié souvent à nos blessures psychologiques. Or, nous avons tous été blessés dans notre vie, plus ou moins fortement, plus ou moins grandement. Et le propre du démon, c'est de jouer, les suggestions, elles viennent sur nos blessures. La peur de l'abandon, le manque de reconnaissance, le rejet, la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être compris. Autant de motifs qui fait que, d'une certaine manière, la facilité, c'est le rempart de l'orgueil. Puisque je ne peux pas compter sur les autres, puisque les autres m'ont blessé, puisque les autres m'ont fait du mal, puisque Dieu est loin, alors je vais me débrouiller tout seul. Alors nous voyons arriver là les deux faces de l'orgueil. L'orgueil, d'une certaine manière, c'est ou se passer de Dieu, je dis ou, je pourrais dire et, ou se prendre pour Dieu. Alors il y a un beau passage de l'Évangile où Jésus met en valeur. C'est au chapitre 18 de Saint-Luc. Vous vous souvenez sans doute de cette parabole du publicain et du pharisien. Le pharisien vient et il prie, mais en fait il ne prie pas, il parle de lui devant Dieu. Et Dieu devient un spectateur de cette vie. Alors que le publicain, il est au fond. Il se frappe la poitrine en disant que c'est un pauvre pécheur. Voyez, se prendre pour Dieu ou se passer de Dieu, c'est deux réalités différentes. Et vous y retrouvez deux choses, l'égoïsme et l'indépendance. Mais d'ailleurs, ce serait un bon test à faire. Quand je me pose des questions dans ma vie, le matin, je pense à qui? Je pense à quoi? Je pense à moi? Je pense aux autres? Ceux à qui je vais faire du bien aujourd'hui? Ou je pense à ce qui va me faire du bien aujourd'hui? Ça, c'est l'égoïsme. Et l'indépendance? Je demande de l'aide à Dieu? Ma première pensée, ça va être de demander de l'aide aux autres? Ou de dire, je vais me débrouiller tout seul? Et là, vous voyez, quand je parle d'égoïsme, quand je parle d'indépendance, vous voyez apparaître une notion qui arrive et qui la caractérise, c'est la notion de toute puissance. Je vais me débrouiller tout seul. On ne peut compter que sur soi. C'est subtil, hein. Et c'est vrai qu'à certains moments, quand je vous parlais tout à l'heure de comment se dissimuler l'orgueil, c'est assez simple, c'est à notre portée. D'ailleurs, c'est la tentation du démon auprès d'Adam et Ève. Débrouillez-vous tout seul, vous serez comme des dieux. Et voyez, petit à petit, lorsque nous rentrons dans cette dynamique d'égoïsme, d'indépendance, de toute puissance, il y a quelque chose qui petit à petit s'installe en nous. Qui fait quoi? Qui nous éloigne de Dieu et des autres. Et en fait, à la fin, de nous-mêmes. C'est pour ça que je disais que l'orgueil est quelque chose qui est extrêmement aveuglant. Bienheureuses les personnes que Dieu met sur notre route, qui à travers tel événement, telle circonstance, nous renvoie à notre pauvreté, à notre misère. C'est pas facile. D'où la notion d'ailleurs, en rentrant dans le carême, de combat spirituel. Parce que ça fait mal de se dire que je me prends pour Dieu. Personne, au début, quand un enfant veut se débrouiller tout seul, il ne sait pas dire qu'il se prend pour Dieu, ou ça ne veut pas dire qu'il veut se passer de Dieu. Mais il y a quelque chose, vous voyez, de « je vais me débrouiller tout seul ». Alors là, chacun d'entre nous, en vous disant ça, se dit « ah oui, en fait, la liste s'allonge des moments où je m'enferme dans mon égoïsme, où je veux me débrouiller tout seul, je ne veux pas montrer mes vulnérabilités ». Vous voyez, il y a un certain nombre de choses où on se rend compte, d'une certaine manière, que quelque chose en nous nous empêche de nous accueillir tel que nous sommes. Et donc, si je continue maintenant sur les caractéristiques de cet orgueil, saint Thomas d'Aquin dira que c'est un amour désordonné de sa propre excellence. C'est-à-dire, on n'est plus en place. Alors, comment on le reconnaît, cet orgueil ? D'abord, il finit par nous croire supérieurs aux autres. On se met en avant, on dit « moi-je ». Regardez dans nos conversations la manière dont apparaît ce « moi-je ». Ou alors on s'intéresse à quelqu'un, mais l'autre a à peine fini de finir sa phrase qu'on est déjà en train de parler de soi. Cette manière de se rappeler. Et d'une certaine manière, en me croyant supérieur ou en me comparant, il y a une forme d'orgueil. La médisance, la calomnie, cette comparaison, c'est une autre forme d'orgueil. Vous voyez, en fait, c'est toujours cette manière de ne pas être sous le regard de Dieu. Et donc, c'est-à-dire d'être en vérité. Et donc, par définition, lorsque je ne suis plus sous le regard de Dieu, lorsque je me rassure, je me prends d'une certaine manière pour Dieu. Et allons jusqu'à, comme Jésus le dénonce, lorsque je juge quelqu'un, je suis capable d'aller dans le secret du cœur de quelqu'un. Bien sûr que je peux dire que telle chose ne me paraît pas bien. Mais vous voyez, il y a des formulations. Dire à quelqu'un, tu es comme ça, c'est condamnant. Dire, j'ai ressenti que. Regardez dans votre vie, lorsque quelqu'un vous a blessé, si vous le condamnez en vous mettant à la place de Dieu, ou si vous dites, je sens que. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Vous voyez, quand je me prends pour la référence, je décide qui est bien, qui n'est pas bien. Je porte des jugements moraux. C'est que là, d'une certaine manière, je ne suis plus à ma place. C'est qu'au fond, je me prends pour Dieu. Qui peut sonder les reins et les cœurs? Dieu seul. Oui, ça fait mal de reconnaître que la liste de nos jugements nous montre bien malheureusement que dans notre cœur le plus profond, il y a ces racines de l'orgueil qu'il faut qu'on n'ait pas à sa place. Mais vous savez, hein, dans notre vie, se comparer, juger, envier, jalouser, condamner, n'a jamais fait du bien à personne. Je ne crois pas dire que quelqu'un qui se compare, qui condamne, qui juge, en le faisant, a pu se bonifier. Ça n'a plus que l'éloigner finalement de lui-même. Autre chose, autre signe de l'orgueil. Regardons dans notre vie comment nous demandons de l'aide. À qui nous demandons de l'aide? Pourquoi nous demandons de l'aide? S'il te plaît, est-ce que c'est un mot qui fait partie de notre vocabulaire? Ou j'ai besoin? Alors évidemment, par-dessus tout à Dieu. D'ailleurs, dans notre prière, cette demande, d'ailleurs, il y a une prière de demande qui est la première des prières. Nous demandons à Dieu. Mais c'est vrai aussi vis-à-vis des autres, de toutes les personnes que Dieu met sur notre route. Comment nous demandons de l'aide? D'ailleurs, mystérieusement, plus nous savons demander de l'aide, plus nous savons en apporter. En apporter justement, non pas en se mettant à la place de Dieu ou en voulant jouer au sauveur, mais plus nous-mêmes nous sommes dans cette posture de demande d'aide, plus d'une certaine manière nous savons apporter cette aide aux autres. Autre signe de l'orgueil, je vous l'ai dit tout à l'heure, un des signes, c'est la justification, cette incapacité à se remettre en cause, cette difficulté donc à dire « je te demande pardon ». Vous voyez, je suis en train de vous dire qu'il y a trois mots qui sont des signes de l'humilité, où quand on ne les utilise pas, spécifiquement ou avec le sens, qui sont des signes de l'orgueil. Merci à Dieu et aux autres. Signe que nous sommes dans une dépendance aux autres et à Dieu. Pardon, signe que nous avons blessé parce qu'en fait nous nous reconnaissons pécheurs à l'égard de Dieu et des hommes. Et s'il te plaît, parce que ce soit à l'égard de Dieu et des hommes, c'est la même chose. Si dans notre vie nous savons utiliser ces trois mots, c'est qu'il y a en nous suffisamment d'humilité pour que nous soyons sur le chemin de la vérité, sur le chemin de l'humilité, c'est-à-dire sur le chemin de notre humanité. Parce que Dieu nous a créés pour vivre en société. Dieu nous a fait pour nous vivre dans une interdépendance les uns avec les autres. Qui peut penser se suffire à lui-même? C'est terrible. C'est terrible. Et vous voyez, c'est ce que le Christ, qui lui s'est fait homme et a voulu dépendre de nous. Il est dépendu de Marie et Joseph. Il a voulu dépendre des hommes. Dieu a eu besoin des hommes. Et bien d'une certaine manière, si le Seigneur est venu nous racheter, nous sauver dans ce chemin d'humilité, jusque dans son chemin de la croix, combien de personnes il va trouver sur son chemin de la croix parce qu'il va demander de l'aide? C'est extraordinaire. Vous voyez, en fait, si je vais au bout de mon raisonnement, l'orgueilleux est vide de Dieu, c'est terrible, et plein de lui-même. Il est vide de Dieu, et plein de lui-même. Et donc, vous voyez, en fait, on retrouve deux mécanismes dans l'orgueil qui nous éloignent de Dieu, des autres, de nous-mêmes. C'est l'oubli et l'ignorance qui conduisent à l'aveuglement. Et comment on retrouve, comment on caractérise? Il n'y a plus d'émerveillement, il n'y a plus de gratitude. D'ailleurs, si Jésus commence les béatitudes en disant « Bienheureux les pauvres de cœur », le pauvre de cœur, c'est celui qui sait qu'il dépend des autres. C'est celui qui sait qu'il a besoin des autres. Il est dans une attente. Alors il s'émerveille des choses les plus simples de la vie. Et c'est comme cela que les saints nous montrent le chemin. Eux, ils ont su chaque jour s'émerveiller du don de la vie, s'émerveiller de ce qu'il leur est donné. Vous voyez, nous, pour la plupart, Nous vivons en France, dans cette période qui est dramatique. Nous pensons à tous ceux qui vivent dans ces pays de l'Est, en Ukraine en ce moment. Je le disais aux séminaristes aujourd'hui. Nous, nous sommes en vie. Nous avons une vie. Peut-être que certains parmi vous souffrent en ce moment de soucis de santé, d'un certain nombre d'inquiétudes. Vous voyez, on se rend compte et on a perdu la grâce de l'émerveillement, de la gratitude la plus simple. Regardez les uns les autres, ceux qui en ce moment dans leur vie, dans votre vie, si votre vie est belle, comment vous émerveillez? Alors que peut-être qu'il y a des gens qui parmi vous souffrent et finalement ont plus d'émerveillement, plus de capacité de gratitude. Quelle leçon de vie? Et vous voyez, la racine de ce cynisme qui peut conduire chez certains jusqu'au désespoir, d'agacement, de à quoi bon, c'est l'orgueil. Alors que l'humble, le pauvre, il se réjouit, il dit merci, il s'émerveille. On l'a entendu il n'y a pas longtemps dans l'Évangile, c'est l'enfant qui recommence, qui s'émerveille, parce qu'il sait qu'il est dépendant, parce qu'il a besoin de ses parents, parce qu'il a besoin des autres, avec une jeunesse, une fraîcheur. Si vous ne redevenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et vous voyez, finalement, à la fin, lorsqu'on tombe dans cette ignorance et cet oubli, que se passe-t-il? On se sert de Dieu et on ne le sert plus. Alors certains pourront dire, parce que c'est une problématique, oui, mais alors dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait de nos qualités? Qu'est-ce qu'on fait de ce que nous sommes de bon? Parce que certains, on tombe vite dans la caricature en disant, ah, attention, on a peur d'être orgueilleux. On confond l'orgueil et fierté. L'orgueil, c'est comme je l'ai dit, c'est ce qui nous met dans l'aveuglement. C'est ce qui nous éloigne de Dieu. Ce qui fait qu'on se prend à la place de Dieu. Ce qui fait qu'on dit qu'on n'a pas besoin de Dieu. Mais nos qualités, ce que Dieu nous a confié, ce que Dieu nous a donné, ce qu'il a fait de nous, si nous le rendons à Dieu par l'action de grâce, qui est le premier critère, donc la fameuse question du merci, qui nous remet dans l'axe et qui fait qu'ensuite on le partage, fait qu'on ne tombe pas dans ce piège. Thérèse de l'Enfant Jésus dit, l'humilité c'est d'être dans la vérité. Et c'est pour cela que ce travail que nous commençons dans ce carême, ce travail du jardinier, ce travail du médecin, que le Seigneur va venir guérir, commence par, oui Seigneur, eh bien, montre-moi d'où viennent ces mauvaises pensées dans mon cœur. Montre-moi ce qui fait qu'en moi, je ne fais pas le bien, que je manque, comme je vous le disais tout à l'heure, la cible, qui fait que je ne suis pas à la hauteur. Et vous voyez, cette problématique entre orgueil, égoïsme, indépendance, et cette grandeur d'âme, prendre sa vie en main, le critère, c'est celui de la gratitude et de la vérité et de la demande d'aide. Alors, question, comment remédier? Comment on peut remédier à cet orgueil? Alors, je viens déjà d'en dire un certain nombre de choses. La première chose, c'est de pratiquer l'humilité. Vous voyez, l'humilité, c'est de descendre dans notre terre la plus profonde. D'ailleurs, vous savez que le mot humilité a le radical humus, la terre. On y retrouve aussi l'humour. C'est cette reconnaissance première, avec une certaine forme de légèreté et de gravité en même temps, paradoxe, de se reconnaître pécheur. D'ailleurs, vous savez que nous, les prêtres, lorsque nous nous inclinons, au moment de l'offertoire, nous posons nos mains sur l'autel et nous recitons ce verset du psaume 50. « Seigneur, donne-moi un cœur contrit et humilié. » C'est-à-dire une reconnaissance que je suis pécheur et donc que j'ai besoin de la grâce de Dieu. Vous voyez, cette pratique de l'humilité, c'est le commencement du salut. C'est la porte d'entrée. Donc pratiquer l'humilité, c'est commencer par cette grâce de la vérité. Cette grâce de la filiation, c'est-à-dire se remettre dans l'axe de ma vie. Alors j'insiste là-dessus, attention, parce qu'on dit, pour faire un peu d'humilité, il faut beaucoup d'humiliation. Dieu peut permettre des humiliations, mais là je le dis, attention, ne jouons pas avec cela, c'est trop grave. L'humiliation, il ne faut jamais chercher à humilier quelqu'un. Après, quelquefois, des parents peuvent gronder leurs enfants, justement, mais le but, c'est de ne pas faire du mal à quelqu'un, parce que chacun d'entre nous se souvient d'humiliations qui nous ont laissé plus de mauvaises conséquences que de conséquences positives. Donc, cette phrase qui est quelquefois utilisée, de plus en plus, je me dis attention à la manière de l'utiliser. Donc, si je dis pratiquer l'humilité, que nous, nous humilions, d'une certaine manière, que nous nous mettions sous le regard de Dieu, que nous sachions demander de l'aide, que nous sachions demander pardon. D'accord. Mais c'est autre chose que, après, si certaines personnes dans leur vie spirituelle avancent et demandent au Seigneur, parce que le Seigneur dans l'Esprit Saint leur demande certaines humiliations pour grandir, c'est une chose. Mais c'est quelque chose de trop subtil. Qu'est-ce qu'il faut pour grandir dans l'humilité aussi ? Sortir de l'égoïsme, c'est logique. Sortir de l'égoïsme, c'est le matin commencer à se dire « qu'est-ce que je peux faire pour les autres ?» Et d'ailleurs, beaucoup de choses que lorsqu'on se met à penser aux autres, à prendre soin des autres, d'une certaine manière, nous rend plus vulnérables. C'est-à-dire, nous fait sortir de notre indépendance. Alors là, il faut faire attention de ne pas tomber dans une autre puissance qui serait de vouloir sauver les autres, parce que Dieu seul sauve. Et donc pour ça, il faut savoir cultiver une certaine forme de discrétion. Alors là aussi, vous dites, ouais, mais comment savoir si à certains moments, il faut que je sois capable de partager ce que j'ai fait de bien, et puis à d'autres moments, ne pas le dire, quand je parle de cette culture de la discrétion? Eh bien, nous avons l'Esprit Saint qui nous conduira à certains moments de dire partager une fierté, une joie, quelque chose, et il faut quelquefois beaucoup d'humilité pour partager quelque chose de bien dont on est fier. C'est pas si facile. Et vous voyez, dans ce que j'appelle cette culture de la discrétion, de savoir si à tel moment il faut savoir parler, partager, à d'autres ne pas le dire, eh bien c'est le fait d'accepter ses émotions. Parce que c'est mes émotions, elles me disent quelque chose de ma profondeur, de mes tripes. Et vous voyez, si je parle avec ma tête là, juste cérébrale, je vais souvent dire des bêtises. Par contre, si je parle avec mes tripes, avec mon cœur profond, je risque moins de dire bêtises. Et je pense que le monde a besoin que nous, chrétiens, nous soyons un peu plus vigilants pour plus parler à certains moments avec nos émotions, nos tripes, qu'avec nos « je sais que ». C'est terrible, « je sais que ». Vaut mieux dire « j'ai l'impression que », « je ressens que ». Mais vous voyez, quand je dis ça, « je ressens que », « j'ai l'impression que », je m'expose en fait. Je m'expose à ce que l'autre ne soit pas forcément d'accord. Je me rends vulnérable en fait. Et vous voyez, dans le fait d'accepter ces émotions, ça peut être une émotion positive, le fait, je donne un exemple. Je vis quelque chose de difficile. Pourquoi je pleure pas? J'ai l'impression de paraître ridicule. Je vis quelque chose de beau qui me touche. Pourquoi je ne pleure pas? C'est de toute puissance. Jésus lui-même, lui, il n'a pas fait semblant, lui. Hein. Jésus, je ne l'ai pas joué à un jeu. Hein. Il n'a pas joué à un personnage, il a pleuré, lui qui était Dieu. Alors pourquoi je pleure pas? Vous voyez, les larmes, quand je suis capable de pleurer, d'exprimer une émotion, c'est le signe de l'humilité. Lorsque les gens ne voient pas mes émotions, c'est qu'il n'y a pas d'humilité. Parce que nous sommes des êtres de chair. Et si le Verbe s'est fait chair, c'est en montrant ses émotions. On est loin, hein, d'un certain jansénisme, on est loin d'une certaine toute-puissance, de quelque chose de droit, dans cette manière de vivre les choses, très très très bas. Parce que Dieu lui a pas fait semblant d'aller très très bas, jusqu'à se montrer nu sur cette croix, jusqu'à demander de l'aide, jusqu'à certains moments se mettre en colère, d'être déçu par ses apôtres. Il aurait pu, dans une toute-puissance, ne jamais faire de remarques à Saint-Pierre. Il aurait pu. Il était suffisamment haut et dans toute puissance pour ne pas faire de reproche à Pierre, pour montrer qu'il avait été déçu. Parce qu'il a montré à Pierre qu'il a été déçu. Il a montré ses agacements. Il a montré son affection. Il a montré qu'il était pris aux entrailles. Alors pourquoi je ne montre pas mes émotions? Pourquoi j'ai du mal à les montrer? Parce que j'en ai honte. Vous voyez la honte? C'est une réaction instinctive, mais qu'est-ce que j'en fais? Je redonne souvent cet exemple parce qu'il me marque. Devant la honte de la trahison de Pierre, ou du reniement de Pierre, et la trahison de Judas, il y en a un qui a accepté ses émotions. Parce que ça faisait longtemps qu'il acceptait d'être ému par Jésus, c'est Pierre. Et donc il est revenu. Il est revenu auprès du maître en pleurant, en se montrant dans sa vulnérabilité, dans sa pauvreté. Et l'autre, Judas, pris dans ses remords et enfermé en lui-même, il n'a pas eu ce courage, cette humilité de se laisser regarder par le maître. Et voyez, là j'en arrive à la confession, ce lieu intime où nous pouvons venir déposer notre fardeau auprès du maître, déposer ce que nous avons fait. C'est un cadeau qui nous est fait. Et en ce début de carême, je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, si vous le pouvez le faire, d'aller vous confesser, c'est-à-dire de déposer votre fardeau auprès du maître. Et vous verrez, c'est comme je dirais, si je reprends l'exemple de mon jardin, si je ne l'ai pas entretenu depuis longtemps, quand on arrive, il y a des grosses mauvaises herbes. Donc j'enlève ces mauvaises herbes, je dépose. Et si je reviens 40 jours après, ou ceux qui se confessent plus régulièrement, on voit des choses qu'on ne voyait pas avant. Parce qu'on était tellement concentré sur ces grosses mauvaises herbes, sur ces choses extérieures, qu'on n'en voyait pas les choses les plus subtiles. Alors que quand j'aurai déposé ça, je pourrai voir des choses et aller un peu plus loin dans mon cœur profond, c'est-à-dire descendre, ou comme Jésus le dit, avance en eau profonde. Et voyez donc en fait, l'humble, c'est celui qui finit par voir Dieu en toute chose. Il reconnaît Dieu en toute chose. Il va être capable de reconnaître Dieu dans celui qui lui donne un verre d'eau, ou dans celui à qui je vais donner un verre d'eau. Il voit Dieu parce qu'en fait, il est d'une certaine manière dans un chemin d'humilité et dans un chemin, d'une certaine manière, qui lui permet de voir les choses en Dieu. Alors, chers amis, dans ce carême, dans cette porte d'entrée, aujourd'hui, vous l'aurez donc compris, que la grande porte d'entrée, c'est celle de l'humilité. Jésus nous dit, venez à moi, car je suis doux et humble de cœur. Humilité qui nous met dans une dépendance à l'égard de Dieu. Humilité qui nous met dans un chemin de vérité. Chemin de vérité qui est notre grand chemin de carême. Pour vous aider, et dans cette logique, deux livres, un que connaissent certains peut-être, qui s'appelle « Les sept péchés capitaux » ou « Ce mal qui nous tient tête » du père Pascal Hyde, et le deuxième, d'une femme qui s'appelle Catherine Aubin, qui s'appelle « Les sept maladies spirituelles, entrées dans le dynamisme des mouvements intérieurs ». C'est deux manières qui se ressemblent, hein, mais deux manières un peu différentes, qui se complètent très bien, d'aborder ces sept péchés capitaux ou maladies spirituelles, chacun a sa manière de l'aborder, mais en fait, ils vont décrire la même chose, ce grand mouvement de vie, de la grâce, et vous aurez compris que l'objectif, c'est de déployer cette vie de la grâce en nous, et donc pour cela, d'arracher ces mauvaises herbes, d'être guéri de ces maladies qui nous empêchent et qui empêchent la vie de la grâce en nous. Merci de votre écoute. Donc maintenant, il y aura, pour ceux qui le souhaitent, je vais allumer mon téléphone, un temps de questions. Alors, j'ai déjà un certain nombre de questions. Par où commencer pour guérir son orgueil? Eh bien, j'ai ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je pense que la porte d'entrée pour moi, pour commencer à guérir son orgueil, c'est de commencer, ça peut paraître paradoxal, par l'action de grâce, de regarder tout ce qu'il y a de bon en nous. Et de demander aux autres de regarder ce qu'il y a de bon en nous. Parce qu'en fait, c'est de là que vient le mal. C'est qu'on n'a pas confiance en soi, on a du mal à s'aimer. Donc, j'ai envie de dire, comment guérir son orgueil? Par se reconnaître avec ses qualités, et puis, pour ceux qui ne l'ont pas fait depuis longtemps, je parlais de la confession, c'est-à-dire de se reconnaître pécheur. Donc en fait, vous l'aurez compris, pas en essayant d'avoir une meilleure connaissance de soi, je vous invite dans ces cas-là à demander à l'Esprit Saint de vous éclairer, et vous y verrez, j'en suis sûr, le Seigneur vous aider. Comment pratiquer l'humilité dans son environnement professionnel qui bannit parfois la vulnérabilité, l'expression des émotions, sans sacrifier son ambition? Oula, excellente question. Alors de fait, c'est vrai que certains sont peut-être dans des milieux professionnels où ces émotions ne sont pas exprimées. Je sais bien que, alors, si vous ne pouvez pas le faire dans votre milieu professionnel parce qu'il ne vous le permet pas, ce que je peux comprendre, eh bien c'est là où il faut soigner les environnements où on peut être soi. Sa famille, si on en a une, ses amis, en tout cas je pense qu'on peut, ou un monde associatif, c'est-à-dire des lieux qui vont venir compenser un lieu où on est obligé d'une certaine manière de jouer un rôle. Et c'est vrai qu'il y a des lieux où on est obligé de tenir un rôle, Et qu'on ne peut pas imposer d'une certaine manière à tout le monde sa vulnérabilité, parce que tout le monde n'est pas capable de la porter, tout le monde n'est pas capable de l'assumer. Donc il faut être capable, dans ces cas-là, de se dire, tiens, mais dans ma vie, auprès de qui, c'est théoriquement ce qui est le cadre, ou de la famille et de l'amitié, ou du monde associatif, dans lequel on va pouvoir le vivre. Voilà. Et en disant, sans le fait de sacrifier son ambition, c'est très juste de dire que, si je reprends la parabole des talents, Dieu, s'il nous a confié des talents, c'est qu'il faut les faire fructifier. Mais il y a quand même des critères. L'ambition, elle doit se faire dans la vérité, jamais au détriment des autres. Donc vous voyez, qu'on ait une juste ambition, c'est bon, mais on aura quand même des critères qui viendront vérifier que notre ambition n'est pas liée à une vaine gloire ou quelque chose qui fait qu'on va, de cette manière, écraser ou déranger les autres. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on a honte d'avouer quelque chose à quelqu'un? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on a honte d'avouer quelque chose à quelqu'un? Alors, ça dépend ce qu'on a à avouer et à qui on doit le faire. Alors, la première chose, déjà, c'est peut-être avant de l'avouer à ce fameux quelqu'un, c'est si nous avons une personne de confiance, de pouvoir vérifier ce qui va pouvoir être dit. Alors, ça peut être un prêtre, une religieuse, une personne de confiance, un ami, quelqu'un avec qui on va pouvoir essayer de vérifier que ce fameux quelque chose qu'on a à dire, on va pouvoir le dire. Parce que de fait, il y a là aussi, mais ça serait complexe, toute vérité ou tout n'est pas à dire à tout le monde. Donc là aussi, il y a un discernement à faire, parce qu'il y a l'humilité, c'est pas de se montrer vulnérable à tout le monde et de tout. Il y a certaines de nos misères, certaines de nos choses qu'on confessera à un prêtre, à telle ou telle personne, mais il y a aussi certaines de nos faiblesses qu'il faut savoir porter tout seul. C'est aussi une humilité à certains moments, je le dis, que de porter aussi une faiblesse tout seul. Parce qu'il y aurait l'excès, évidemment, qui serait de dire je déballe ma vie et puis débrouille-toi. Est-ce qu'on n'est pas toujours un peu orgueilleux? Ben, malheureusement, si. Des maîtres spirituels disent que on sera, quand on sera décédé, de notre cercueil, je n'ai pas l'expression exacte, sortira encore quelques fumées d'orgueil pour dire que malheureusement, c'est quelque chose qui restera en nous, puisque c'est malheureusement la racine même en nous du péché. Donc après, même une Thérèse de l'Enfant Jésus qui a pris un tel chemin d'humilité, mais elle le sait dans le secret de son cœur, il y a quelque chose qui a pu se jouer. J'aimerais connaître comment discerner entre humilité et hypocrisie. Alors effectivement, il faut faire attention à ce qu'on appellerait la fausse humilité. C'est là où je vous disais, il y a un discernement de savoir qu'est-ce que je dois dire à qui. Ça, c'est une vraie question. À qui je dois dire certaines choses, à qui je ne dois pas les dire. Donc ce n'est pas une hypocrisie. Vous voyez, dans une vie, je ne vais pas, moi, dire la même chose à mes supérieurs qu'à des séminaristes. Et ce n'est pas l'hypocrisie. Ou un séminariste ne va pas dire la même chose à son confesseur, à son confrère, à ses amis. Donc il y a comme un discernement qu'on fait, voyez, qui montre que cette question de la vérité, puisque vous avez bien compris qu'il y a un lien très fort entre humilité et vérité, évite de tomber dans une hypocrisie. Zut, je n'ai pas montré que ce que je suis vraiment à tout le monde. Non, non, non, non, non. Le but de l'humilité, c'est dans la vérité. Mais la vérité, c'est l'adéquation entre ce que je suis et une autre personne. Et évidemment, c'est lié à la vertu de la justice. La justesse des relations demande, dans ces cas-là, ben, si on ne sait pas toujours, un éclairage. Du coup, est-ce bon de ne pas exprimer ses émotions, sachant que cela pourrait entraîner un conflit ou blesser le prochain? C'est une très bonne question, effectivement. Ça rejoint à ma question de la vérité. C'est-à-dire qu'il y a des émotions, il y a des types d'émotions qu'on doit exprimer, enfin qu'on doit. Il y a des émotions qui sont dans la famille, par exemple, un père de famille va livrer à sa femme certaines émotions qu'il ne va pas montrer de la manière à ses enfants. Mais il y a aussi certaines émotions que ses enfants doivent pouvoir vivre, voir à certains moments. Par exemple, si un père de famille est inquiet pour son métier, ou pour son travail à un moment donné, qu'il l'exprime à sa femme, ça me paraît fondamental, même si quelquefois le fait de vouloir la protéger éloigne plus qu'autre chose. En revanche, il n'est pas forcément obligé de montrer toutes ses émotions à ses enfants. En revanche, sur des choses plus publiques, par exemple la perte d'un être cher ou un décès, je pense que là, il y a quelque chose qu'il montrait à tout le monde. Donc vous voyez, en fonction du type d'émotion ou de ce que ça engage, il y a quelque chose qui peut être plus ou moins montré ou exprimé. Mais je crois beaucoup, dans ces cas-là, à l'Esprit Saint qui nous éclaire et en nous montrant le type de vulnérabilité ou d'émotion que l'on peut montrer à telle ou telle personne. Faut-il travailler à soigner les blessures psychologiques dont vous avez parlé pour réussir à sortir de l'orgueil? Oui. Oui, alors ça c'est sûr. Alors, pas forcément en allant voir tout le monde un psychologue, mais en tout cas, il faut être capable d'aller à la racine de certaines blessures psychologiques, parce que tant qu'on ne soigne pas ces blessures psychologiques, c'est comme une cicatrice, c'est comme une plaie. Et tant que je ne soigne pas cette plaie, il y a des événements qui vont réactiver. Alors, si la plaie est profonde, là, il faut que j'aille recourir à un psychologue ou recourir à quelqu'un qui va m'aider. En tout cas, je n'y arriverai pas tout seul. Ça, c'est une certitude. Donc, évidemment, avec Dieu, mais à travers telle ou telle personne. Je sais que beaucoup dans un couple peuvent réussir à se guérir, mais dans ces cas-là, je montre aussi ma vulnérabilité psychologique à celui et à celle qui va m'aider. Mais ça, c'est une certitude, je n'y arriverai pas tout seul. Parce qu'autrement, ce rapport entre blessure et péché est très lié. Alors, c'est pour ça que certains vont recourir à telle ou telle personne pour se dire, bon, là, j'ai besoin de reconnaître, et notamment dans la reconnaissance. Est-ce que l'ouverture à la grâce qui nous permet d'avancer dans l'humilité? Oui. C'est pour ça que d'une certaine manière, ça se demande. Vous voyez, je le vois avec les séminaristes, souvent, ils veulent grandir dans l'humilité. Alors, mais attention, parce que dit je veux être humble, le risque, c'est de tomber dans la toute-puissance de celui qui dit je veux être humble. Donc, à un moment donné, c'est Seigneur, j'ai le désir, je ne vais pas y arriver. Et puis là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si vraiment on le demande à Dieu. Vous savez, quelquefois on se dit, oui, j'ai fait une prière, tu n'exauces pas. Mais je crois que si on demande au Seigneur la grâce de l'humilité, c'est-à-dire en gros, qu'on s'ouvre à Dieu dans une dépendance, il s'en charge. Ça, c'est une certitude. Quelquefois de manière douce, parce que c'est la manière qu'il aura de nous prendre. Quelquefois, il ira de manière un peu plus violente, comme il l'a fait avec Saint Paul. Est-ce de l'orgueil ou de la franchise de s'exprimer ouvertement? Eh bien, là encore, question de discernement. À un certain moment, ce sera une vraie franchise, ce sera une vraie humilité que d'être franc, de dire à quelqu'un, tu m'as blessé, tu m'as déçu. Et ça demande beaucoup d'humilité. Vous voyez, c'est une invitation pour les séminaristes, pour les faire grandir dans cette vie fraternelle, de les conduire à une certaine forme de vérité dans leur relation, alors qu'ils demandent du temps, de la délicatesse. Et ça demande beaucoup d'humilité. Parce que là aussi, dire à quelqu'un, il faut qu'on se parle, c'est de dire, en fait, j'ai besoin de toi. C'est rentrer dans une interdépendance. C'est un signe d'humilité. Et à certains moments, il y a une forme de franchise qui peut être une forme d'orgueil, d'imposition de ses émotions, de ce que je fais aux autres. Ne pas arriver à pardonner une personne qui nous fait du mal, est-ce de l'orgueil? Pas forcément. Pas forcément, parce qu'il y a des blessures qui sont quelquefois très profondes. Qui font qu'on ne peut pas y arriver. C'est quelque chose de très subtil ailleurs. À vous de voir le type de blessure. Il y a des blessures trop profondes, et là, Dieu seul peut nous donner la grâce du pardon. Donc ne culpabilisez pas. Surtout ne culpabilisez pas parce qu'il y a des blessures trop profondes. Par contre, il y a ce que j'appelle les bobos de surface. Là, il faut y aller. Hein. Donc à vous discerner le type, vous voyez, de blessure. Parce que si une blessure nous touche dans notre identité, dans ce que nous avons vécu, là je comprends. En revanche, si j'ai été froissé parce qu'on ne m'a pas donné la meilleure place, parce qu'on ne m'a pas reconnu, j'ai envie de dire là, il faut être plus simple. Et là, c'est de l'orgueil. Voilà. Ne pas pardonner à quelqu'un parce qu'il a dit du mal de moi, ça dépend jusqu'à où était ce mal. Ne pas pardonner parce que quelqu'un ne m'a pas mis à la première place, ne m'a pas invité à telle chose, là, c'est de l'orgueil, oui. Mais par contre, que quelqu'un m'ait fait du mal, qui m'ait touché dans mon histoire, dans mon identité, ça c'est autre chose. Comment savoir ce qui relève de la fausse humilité? Alors là, je pense interroger 5 personnes vraies de votre entourage et vous aurez la réponse. Voilà. Parce que, alors pour ça, qui vous connaissent depuis suffisamment longtemps, mais il faut avoir des personnes qui sont en vérité. Parce que la fausse humilité, on la discerne dans le temps. Je vois dans le séminariste, parce que quelquefois il y a certains séminaristes, avec toute leur gentillesse, hein, qui certains jouent un peu à l'âme, je ne suis rien, je ne vaux rien, je ne suis digne de rien. Mais on s'aperçoit que quand il fait une réflexion, il justifie. Bon, ben là vous dites fausse humilité. Et si je truque entre la fausse humilité, la justification, le gars qui dit je ne suis rien, un truc qui ne demande jamais d'aide, vous dites oula, là c'est pas bon signe. Ça prouve bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait juste. Vous voyez, en fait, quand je vous ai parlé de ce qui permet de détecter l'orgueil, que ce soit le fait de se suffire à soi-même, le fait d'être dans une espèce de toute-puissance, et donc en gros, la caricature de la fausse humilité, c'est celui qui penche un peu la tête, qui dit « je ne suis rien, je ne vaux rien », mais qui en fait se débrouille tout seul, en général, ça permet de voir dans le temps. Voilà, je crois que je n'ai plus de questions, j'ai répondu à toutes les questions. Eh bien, je vous remercie de votre écoute et puis je vous donne rendez-vous avec un autre frère formateur la semaine prochaine à 20h30. Merci et bonne entrée en carrière.